To be or not to be, not to be. Vous ne rêvez pas, j'ai déjà fait un blockbuster sur One Piece. En 2018, il y a 3 ans de cela. Mais pour tout vous dire, j'étais encore timide à l'époque. En petit elfe de maison que j'étais resté très sage, inhibé que j'étais par l'évocation du phénomène manga sur une antenne généraliste. Au-delà de One Piece, je me souviens avec une pointe de honte qu'on avait parlé de cosplay, de K-pop et de la Japan Expo dans une sorte de fourre-tout qui sentait bon le mec pas sûr d'avoir de nouveau la parole. D'ailleurs, je pense que le rap est né comme ça. Hein. On s'est mis à parler très vite sur un son parce qu'on n'était pas sûr qu'on nous redonne la parole de sitôt. Alors qu'il y a tellement à dire sur l'œuvre pharaonique d'Eiichiro Oda. Mais les choses ont changé depuis 3 ans. Cette année, on a vu la façade de la bibliothèque François Mitterrand recouverte par un kaiju géant pour la sortie d'un nouveau manga. Le 100e tome de One Piece est traité à raison comme un événement. Le 1000e épisode de One Piece est diffusé au cinéma. Partout en France, sur Internet, sur Twitch, YouTube, on parle du dernier tome de l'attaque des titans, de l'arrivée sur Netflix de l'énième adaptation live d'un animé populaire. Le film Demon Slayer a été un des premiers succès quand les cinémas ont ouvert de nouveau leurs portes. Mais aujourd'hui, je regarde autour de moi et je vois tellement de lecteurs et de lectrices de manga. Donc maintenant que je sais qu'on est entre nous, j'ai envie de dire, on va pouvoir se parler sérieusement. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ses dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Épisode, 100 tomes, 490 millions d'exemplaires vendus. Vendus. One Piece, vous allez en manger sur cette fin d'année. Mais au-delà des chiffres, One Piece est avant tout un monument culturel que l'on peut admirer du vivant de son auteur, Eiichiro Oda. Si Stan Lee, Jack Kirby, Jules Verne et Alexandre Dumas et autres ont bâti des univers qui continuent d'être explorés avec passion par des millions de lecteurs, il est rare de voir une création naître, grandir et se développer sur 24 ans. 24 années durant lesquelles le monde entier a suivi et suit encore les aventures de Luffy au chapeau de paille et de son équipage pour trouver le One Piece, ce mystérieux trésor. Pour revenir sur ce chef-d'œuvre du shonen manga, j'ai avec moi Jérémy Ktourza, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur pour Hyperlink. C'est ça. Avec nous, de retour, Cédric Despapes, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable éditorial adjoint chez Manga Casque et chroniqueur chez Le Cri du Mochi. Tout à fait. Avec nous, je ne pouvais pas faire cette émission sans lui, parce qu'il était déjà là pour la première. Eh oui, souvenir. Mais oui, Mathieu Pinon, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste spécialisé en pop culture japonaise, et également de retour, Benoît Huot, bonjour. I'm back, bonjour aussi. Responsable éditorial manga chez Glénat. Ensemble, on va tenter d'expliquer le succès de One Piece, quels sont les ingrédients de la recette à succès échafaudée par Eiichiro Oda. D'ailleurs, qui est Eiichiro Oda et quelles ont été ses inspirations? Que représente ce manga pour cette industrie à l'échelle mondiale? Au-delà de l'aventure et des personnages colorés, y a-t-il une lecture politique de One Piece? Sous quai ferme Moussaillon, on embarque pour plus d'une heure sur le Thousand Sunny à la recherche du One Piece. Orewa, c'est clair. Ikkyo tomo omowanakatta. Je n'avais pas spécialement envie de vivre. Sabo no Kento. La seule chose qui m'y obligeait, omae mitena, c'était Sabo. Seba no yakeru. Et le fait d'avoir un frère dans ton genre, il fallait bien que quelqu'un veille sur toi. Dakara, je t'en prie, Ace. Tu ne vas pas mourir. Kokoro no kori ga. Il faut que tu saches une chose. Je n'ai qu'un seul regret. Omae no yume no hate o. Je ne serai pas là. Mirare ne. Voir si ton rêve se réalisera. Dakedo. Mais j'ai confiance. Je te connais. Je suis sûr que tu y arriveras. Parce que tu es mon frère. Écoute bien, Luffy. On vivra nos vies à fond. Comme ça, on ne regrettera rien. D'accord. Un jour, on parcourra toutes les mers de ce globe. On mènera la vie qu'on aura choisie. Ce jour-là, on sera les hommes les plus libres du monde. Et Et là, je sais que les grands fans de One Piece sont en train de verser une larme en repensant à la mort de Ace, le frère de Luffy, ce moment charnière de l'histoire de One Piece. Mais revenons à ce qui nous concerne, c'est-à-dire le manga en tant que tel. Et là, je me tourne vers mon biographe officiel, Mathieu Pinon. Oui. D'où vient Eiichiro Oda ? Alors, les connaisseurs d'une mascotte vont tout de suite avoir une mélodie dans la tête quand je vais dire le nom de la ville d'où vient Eiichiro Oda, puisque Eiichiro Oda vient de Kumamoto, dans la préfecture de Kumamoto, ville d'origine également de Kumamon. Kumamoto, c'est sur l'île de Kyushu, c'est vraiment, on est à l'extrême ouest du Japon, on est à quelques encablures de la Corée, et c'est pas compliqué, Eiichiro Oda a 4 ans, il sait qu'il veut devenir mangaka. Voilà, c'est sa passion, il adore ça, il dévore, et... dès son plus jeune âge, il commence à faire participer aux concours, puisque donc les magazines de prépublication au Japon, pour pouvoir trouver de nouveaux talents, proposent très souvent des concours. Vu que maintenant on est sur quelque chose qui est une compétition entre chaque éditeur, on fait en sorte de trouver très très vite quelqu'un pour pouvoir le cloisonner chez lui. Et c'est Shueisha qui va remporter la donne, puisque dès l'âge de, je ne sais plus si c'est 15 ou 17 ans pour ça. C'est à 17 ans. 17 ans, voilà. Merci pour sa première participation. Ça marche très très bien. Il va être sélectionné en 93, donc à 18 ans pour sa première nouvelle. Là, Shueisha va dire dis donc Coco, ouais, ça se passe comment la fac? Je m'ennuie un petit peu. Vas-y, quitte la fac, quitte Kyushu, viens donc à Tokyo, on va te mettre chez des mangakas qui s'y connaissent pour faire de l'assistanat. Donc il va travailler avec plusieurs mangakas pour apprendre le métier. Parmi ceux-là, on va citer le plus connu, qui est Nobuhiro Watsuki, le mangaka de Kenshin le Vagabond. D'ailleurs, chose amusante, pendant qu'il a fait son assistanat, il y avait un autre pote à lui qui était assistant et qui va être plus tard le mangaka de Shaman King. Donc, preuve qu'on avait déjà... Il faut expliquer peut-être aux auditeurs que derrière un dessinateur de manga, il y a souvent toute une équipe d'autres dessinateurs qui s'occupent des décors, des trames, voilà, etc. Et attention, ce n'est pas comme les comics. Les comics, on est sur quelque chose qui est très linéaire. On va avoir quelqu'un qui s'occupe des crayonnés, quelqu'un qui s'occupe de l'ancrage, quelqu'un qui s'occupe des couleurs, quelqu'un qui s'occupe des bulles et du lettrage. Au Japon, on va avoir quelque chose qui est un peu plus réparti. Il y a le maître d'œuvre, donc le sensei, le mangaka, qui fait ses crayonnés, et les gens derrière vont arriver pour ajouter les trames, donc les effets de gris. Certains vont se spécialiser dans les décors, d'autres se spécialiser dans les lignes de vitesse, notamment Urasawa. Si vous voulez travailler chez Urasawa en tant qu'assistant, vous allez passer les 6 premiers mois de votre vie, enfin de votre stage, à faire des lignes de vitesse, à tracer des lignes à la règle. C'est très ingrat au début, mais on apprend toutes les étapes du métier pour pouvoir ensuite accéder au rôle propre de mangaka. Bref, il fait de l'assistanat. Il commence à faire une ou deux nouvelles, les Wanted, qui marchent pas trop mal. Et c'est donc en 80... C'est à partir de 95-96. 95-96. Première version de Romance Dawn. Voilà. Donc Romance Dawn qui va être vraiment la matrice en cours de One Piece. Et One Piece va débuter en 98, si je ne dis pas 97. Merci, heureusement que j'ai des camarades qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Et à partir de là, ça va être un triomphe tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur le fait qu'à 4 ans, il voulait être mangaka, il a vraiment été bercé par les œuvres du Jump des années 80, parmi lesquelles on peut citer notamment Dr. Slump et Dragon Ball. Et il y a vraiment une filiation à l'œuvre de Toriyama qu'il assume totalement et qu'on retrouve dans One Piece, même si c'est loin d'être du plagiat. Là, j'insiste bien, on peut parler d'influence et pas du tout de copier-coller. Alors, vous l'avez dit, à 4 ans, il a l'ambition de devenir mangaka, créateur de manga, ce qui est absolument exceptionnel, parce que dans un pays qui logiquement forme plutôt sa jeunesse à avoir des boulots plus stables, on a quelqu'un qui dès le début se dit la bande dessinée c'est mon truc, je veux raconter des histoires de cette manière là. Et est-ce qu'on peut dire que Eiichiro Oda était une sorte de prodige, Cédric, des papas? Est-ce qu'on peut dire qu'on avait affaire à un génie du dessin qui ne pouvait rien faire d'autre que ça? Oui et non, parce que ce qu'il raconte surtout, c'est que s'il a voulu très tôt devenir mangaka, c'est qu'il voyait en fait son père aller au travail en costume. Pour lui, le travail, c'était en costume salaryman. Il s'est dit, dessiner, c'est pas travailler, je veux pas travailler, donc je veux faire des dessins en fait. Quand il a compris qu'on pouvait gagner sa vie en faisant des dessins. Alors après, il a un peu déchanté en devenant adulte, en comprenant que c'était quand même compliqué d'être mangaka. On parlait du fait qu'il avait été assistant. Il y a des mangaka qui prennent pas d'assistant. Lui, il a eu de la chance. Il a été avec des mangaka qui, globalement, l'auteur de Kenshin, c'était vers la fin. Et il dit que d'ailleurs, il n'a pas pas appris grand chose, mais il est pas venu beaucoup parce qu'il était déjà en train de préparer Romance Dawn, donc le préquel de One Piece, le pilote. Mais il y a un auteur qu'on connaît pas du tout en France, qui a fait un manga, j'ai oublié le nom, j'ai un problème avec les noms, désolé, mais il a fait un manga qui s'appelle Jungle Tachan, qui est un manga comique du Jump, qui a marché pas mal dans les années 90, au début des années 90, et il dit qu'il lui doit beaucoup parce qu'il a appris avec lui, par exemple, ce qu'il ne pensait pas avant, à faire des décors, à créer un personnage, à faire une mise en place de personnage, et ça se ressent pas mal du coup, surtout dans les débuts de One Piece. Je pense que autour de la table on sera plus ou moins d'accord que l'introduction est très cartoonesque. On est quand même toujours à deux doigts de flirter, c'est de l'aventure, c'est de la grande aventure, mais on est toujours à deux doigts de flirter dans de la comédie un peu gaudriole, comme le Jump savait très bien le faire à cette époque-là et continue à bien le faire d'ailleurs aujourd'hui. Alors moi je retiens pas les dates, mais je retiens les noms, c'est Masahaya Tokuhiro. Merci beaucoup. C'est bien, vous complétez très très bien. Je voulais juste apporter un petit peu sur justement le fait de savoir si Eiichiro Oda était un génie ou pas dès le départ. Il faut savoir que One Piece, la publication de la série, a été quand même retoquée 3 fois par le comité éditorial de Shueisha avant qu'ils donnent leur accord pour une publication dans le Weekly Shonen Jump. Donc c'est bien la preuve qu'ils estimaient qu'il fallait encore que, on va dire, l'auteur s'exerce un petit peu et gagne en expertise avant réellement de se lancer. D'accord. Donc il y a, au-delà du talent, il y a quand même une grosse dimension de travail et de je revois ma copie. Il a failli arrêter et c'est son tanto de l'époque, donc son éditeur qui est dans la manière dont on fait les mangas au Japon. Vous avez des éditeurs en fait qui sont attitrés, mais un peu comme en France, à des auteurs et qui les aident à progresser. Et son, ce qu'on appelle un tantosha. Et ce qu'on voit dans Bakuman. Ce qu'on voit dans Bakuman, énormément. Bakuman, d'ailleurs, il y a un personnage de Bakuman, le rival des héros, qui ressemble. Il serait inspiré pas mal de Oda, d'après ce que disait Takeshi Obata. Et bref, en tout cas, son tanto de l'époque lui aurait. Il a failli arrêter et il lui a dit dans une interview, il disait, c'est la seule fois où je me suis dit, peut-être il faut que j'arrête. C'est encore le moment où je peux devenir salaryman comme mon père. Et le tanto lui a dit. N'arrête pas parce que ok il y a des défauts, ok voilà, mais t'es le mec que je vois le plus bosser sans jamais rien laisser paraître. En fait, tu as l'air d'aller bien, tout a l'air de couler de source avec toi, pourtant je sais que tu te donnes à fond et que tu retravailles beaucoup beaucoup beaucoup. Et il le dit tout le temps de sa carrière, même dans ses interviews les plus récentes, ce qu'on lui associe de génie, par exemple le fait qu'il a réussi à relier quelque chose dans le tome 3 au tome 60, il dit, c'est pas du génie, c'est que moi, dans ma tête, l'histoire prendrait que 5 ans. Et en fait, j'ai tellement délayé à faire des gags, de l'action, à mettre en place des persos, que ce que je pensais dans ma tête n'allait prendre que 2 ans. En fait, on a pris 10. Donc, il y a rien de génial. J'avais quand même des éléments. Mais des fois, je dis, il y a beaucoup de choses qui sont miraculeuses. Et je fais en sorte qu'on ne sache pas que c'était une erreur de calcul de ma part qui a heureusement bien marché, quoi. Je rebondis juste sur ce que dit Cédric, sur l'importance du tantosha, du responsable éditorial dans la création d'un manga. C'est bien plus que uniquement la charnière entre l'auteur et la maison de publication. C'est quelqu'un qui va faire remarquer ce qui ne va pas dans un scénario, ce qui ne va pas dans la narration, ce qui ne va pas sur un personnage, mais qui ne se contente pas juste de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, peut apporter également des idées, peut également apporter des pistes. Et très souvent, je suis certain que dans One Piece, il y a quelques idées qui ont été, peut-être même des gags, qui ont été fournis par les différents responsables éditoriaux avec lesquels Oda a travaillé et qui ne seront jamais crédités sur les couvertures. Donc il est nécessaire d'avoir une dimension de confiance très très forte. Totalement. Avec son tanto. Complètement. Ah, oui. Après, dans le cas de One Piece, il y a quand même une petite nuance à apporter, c'est qu'il a dit plusieurs fois, et ça a été redit, que dès le début, il a essayé de poser quelque chose avec son premier tanto sur One Piece. Il voulait pas qu'on l'aide pour l'histoire. En fait, il a dit beaucoup de fois, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le manga Bakuman qu'on citait plus tôt, qui raconte l'histoire de 2 mangaka en devenir. Beaucoup de fois, certaines idées qui font qu'un manga va pas marcher viennent du tanto. Et comme le dit Mathieu Pinon, on crédite jamais le tanto pour le succès, mais on le crédite pas non plus pour quand il y a un raté. Et Oda a dit, moi, je veux que si One Piece, en fait, ça faisait longtemps qu'il y pensait à One Piece, pas forcément sous cette forme-là, mais cette aventure de piraterie, la grande aventure, il disait, c'est un truc qu'on n'a pas souvent vu dans le manga, j'ai envie de tenter quelque chose, et je veux que si ça marche, ça soit mon succès, et que si ça ne marche pas, ça soit mon échec, mais je ne veux pas que dans le scénario, en tout cas, quelqu'un d'autre vienne parasiter mon voilà. Grand schéma. Jérémy Tourza, si jamais vous deviez résumer One Piece comme ça à quelqu'un qui n'aurait jamais lu, il y en a encore quelques-uns. One Piece, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un gamin qui rêve de devenir l'homme le plus libre de la planète. Et l'homme le plus libre de la planète, c'est le roi des pirates. Et donc, il va décider de partir en voyage. Et comme Ulysse qui fait un bon voyage, One Piece, c'est une épopée. Et c'est au sens le plus littéral du terme. C'est un long récit d'aventure avec des exploits mythiques, des personnages qui affrontent des dieux, des démons. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment dans la pure tradition de tous ces épopées modernes comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, et où chaque histoire, chaque personnage qui se rajoute, c'est un petit bout de la grande histoire de One Piece. Oui, parce qu'il y a une tapisserie, un univers qui est absolument phénoménal, et c'est d'ailleurs ça qui marque dans One Piece, c'est la cohérence de l'univers créé par Eiichiro Oda. Bah, et même, c'est toute la farandole de personnages qui sont extrêmement bien écrits, extrêmement bien construits. Ce qui n'était pas évident parce que on a dit que Oda avait beaucoup de difficultés avec ses éditeurs. Il a beaucoup travaillé et dans des interviews, on peut lire que en fait, c'était justement les personnages qui posaient problème. C'est souvent on le reprenait souvent pour qu'il crée des personnages plus charismatiques, plus intéressants. Il a tellement travaillé ça qu'au final, maintenant, on peut citer des centaines de personnages. Chaque fan de One Piece a son personnage préféré. Et c'est pas forcément Luffy. Et Dieu sait qu'il y en a des personnages. Il y en a énormément. Oui. Et même un personnage qui peut être très secondaire ou même... c'est ça, je pense aussi, la force d'Oda, c'est que ses dessins sont énormément fournis de détails, de personnages. Et du coup, si on prend le temps d'aller dans les détails, on peut voir plein de petits personnages secondaires ou des figurants qui auraient beaucoup de choses à dire et qui parfois deviennent même de grands personnages. On pense à Sabo par exemple, qui avant était juste de dos dans une case à un moment et au final c'est devenu un personnage très important dans la grande histoire. À l'occasion de la diffusion du 1000e épisode dimanche 21 novembre 2021, la Toei Animation a refait le tout premier générique de la série We Are et on l'écoute évidemment. 富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ウォールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちは、グランドライン嫁出し、夢を追い続ける。世はまさに、大海賊時代。 Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Allons, Mark ! Ce drapeau représente les 170 nations membres dispersées à travers les quatre océans du globe, sans oublier bien sûr Grand Line. Nous représentons le monde entier. En comparaison, vous n'êtes qu'une bande d'insectes insignifiants bien incapables de se mesurer à nous. Est-ce que vous comprenez maintenant l'importance et la puissance de l'organisation lancée à la poursuite de cette femme ? Je comprends à quel genre d'ennemi Robin a affaire. Sniper King ! Brûle-moi ! Ce torche ! Avec plaisir. Fireball Star ! Dieu. Ça, c'est fait. J'arrive pas à croire qu'il ait osé. Il est taré. Ils ne savent donc pas ce que ça représente de s'attaquer au drapeau. Ces pirates viennent de déclarer la guerre au gouvernement mondial. Je les plains, les pauvres. Mais vous êtes complètement cinglés. Vous venez de vous mettre à dos le monde entier. Vous vous en sortirez jamais vivant. J'ai hâte de voir ça. Eh oui, ça donne de la voix dans One Piece, que ce soit en VO ou en VF. Mayumi Tanaka double Monkey D. Luffy en version originale et Stéphanie Excoffier double Luffy en version française. Alors, j'ai voulu qu'on passe cet extrait parce que je pense que là, je parle en tant que lecteur. Ce qui m'a toujours marqué vis-à-vis de One Piece, c'est qu'ils incarnent des pirates et que leur adversaire principal, c'est le gouvernement mondial et donc une structure multi-étatique comme ça. Et c'est assez rare dans le shonen de voir des marginaux, des rebelles, et surtout de voir que la liberté n'est pas du côté du gouvernement, qui lui va soutenir différents dictateurs, mais du côté des pirates qui, eux, veulent justement donner aux habitants qu'ils croisent le droit de disposer d'eux-mêmes. Benoît Huot, par rapport à la conception du shonen, ces mangas destinés plus spécifiquement aux jeunes garçons, c'est assez rare d'avoir cette marginalité dès le départ. Oui, c'est assez rare d'avoir cette marginalité. Ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsqu'on est un adolescent, une adolescente, donc garçon ou fille, ce qu'on lit, bien évidemment, ça nous divertit, mais ça nous permet aussi de nous former, et à la fois au niveau de la culture littéraire, mais aussi au niveau des schémas de compréhension du monde. Et à partir du moment où on suit une histoire de pirates qui souhaite justement mettre en avant la liberté par rapport à un gouvernement, ça permet de prendre conscience de deux choses. La première, c'est effectivement le réel besoin d'émancipation de chaque individu et la nécessité, on va dire, même si c'est un gros mot, de s'autodéterminer, donc de choisir soi-même sa propre voie. Et la deuxième, surtout, c'est de prendre du recul par rapport aux différentes organisations, parce que le gouvernement mondial, en tant que tel, il n'est pas forcément décrit comme un méchant. Il n'est pas mauvais. C'est juste, on va dire, les contraintes un peu trop fortes qu'il fait peser sur certaines franges de la population, et donc les abus dont il peut faire preuve, qui eux sont rédhibitoires. Et donc le fait justement de lire l'histoire de One Piece avec Luffy qui prône la liberté et qui, en fait, son but n'est même pas de mettre à bas le gouvernement mondial, son but est simplement d'être libre, comme tu le disais tout à l'heure, et donc avec Luffy qui prône cette liberté et qui en même temps justement permet de rééquilibrer, on va dire, les abus du gouvernement mondial, on a réellement une bonne grille de lecture pour l'ensemble des lecteurs et des lectrices. Je me permets juste, Mathieu Pinon. Ce qui est très amusant, c'est de remarquer qu'à l'époque où One Piece était publié dans le Shonen Jump, enfin il l'est toujours, mais à ses débuts, il y avait un deuxième mastodonte dans les pages du même hebdomadaire qui était Naruto. Mm-hmm. C'est très amusant de comparer les deux séries. Alors, non pas du tout d'un point de vue qualitatif, qui est le meilleur ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on se retrouve avec deux enfants qui sont des parias, qui ont une ambition de devenir le premier dans une certaine catégorie. Et Luffy va vouloir devenir le premier des pirates, le plus grand pirate, avec ce côté, justement, je vais à contresens du gouvernement, là où Naruto cherche à devenir le plus grand des Hokage, et donc, entre guillemets, à rester dans le rang, à rester dans les règles fixées par le gouvernement propre au ninja. Et il y avait vraiment cette dualité entre les deux titres, alors qu'on peut retrouver beaucoup de tropes propres au shonen dans les deux séries, qui faisait que, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on a ces clans qui sont plus pro-Naruto ou pro-One Piece, parce que il y a cette propension à aller avec ou contre l'autorité qui est propre à chaque lecteur. Cédric Despapes, cette dimension d'autodéterminisme, d'appel à la soumission pour plus de liberté, est-ce que ça vous a parlé tout de suite, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être découvert chemin faisant? Ça m'a parlé tout de suite, mais je suis pas sûr qu'on puisse parler complètement d'autodéterminisme, parce que déjà l'histoire n'est pas terminée, et que jusqu'à très récemment on a eu des révélations qui montrent que, par exemple, parler d'autodéterminisme, c'est-à-dire que Luffy est libre de faire ce qu'il veut, or il est prisonnier par exemple de son nom. Il y a le concept du dé qui revient très souvent. Et en fait, c'est intéressant ce qu'on disait par rapport à Naruto, c'est que mine de rien, les personnages en fait sont très similaires. C'est-à-dire que dans Naruto, Naruto, il veut pas renverser le concept de ninja parce qu'il croit qu'il y a besoin de cet ordre-là. Il veut juste devenir le premier, le président, le Hokage, le président des ninjas, parce que il a une vision qui est plus pacifiste que ce qu'il voit depuis quelques années, la guerre et la famine. Et il pense que il veut changer le système. Il veut changer le système de l'intérieur. Luffy, comme on l'a dit, effectivement, au début, il veut pas spécialement changer le système, il veut juste être libre. Il va se faire souvent confronter à la marine, et à un moment, on va découvrir, spoiler alerte, mais bon, on en est à 100 tomes, ça va, je pense qu'on peut le dire, que la marine est un peu un imposteur, en fait. C'est-à-dire que la marine, elle est pas méchante. Il y a beaucoup de personnages, comme par exemple Kobe, un personnage qu'on rencontre dès le tome 1, qui veulent faire le bien, comme Luffy à leur manière. Mais le système est vicié de l'intérieur, parce que ce sont des imposteurs, en fait. Il y a une partie de l'histoire manquante de One Piece, il y a un siècle oublié, où on sait qu'il y a eu un renversement au niveau des gouvernements. Et oui, depuis, parce que cette histoire a été effacée et cachée par les puissants. Et on sait depuis un arc qui s'appelle Rêverie, en plus, qu'il y a un personnage qui tire les ficelles dans l'ombre et qui fait croire que le monde est libre et que les dirigeants dirigent et qu'en fait personne ne dirige et qu'il y a quelqu'un derrière et que même les plus puissants lui sont soumis. Il y a des centaines de conspirationnistes qui sont en train de nous écouter et fait, je le savais. mais du coup, c'est intéressant parce que mine de rien, est-ce qu'on peut parler de déterminisme à partir du moment où on explique que les gens qui ont un D, la lettre D dans leur nom, sont l'ennemi au naturel du gouvernement, que ce gouvernement est un imposteur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ce qu'on appelle le roi légitime, le rightful king, en fait? Est-ce que Luffy, en fait, simplement n'est pas en train de reprendre ce qui a été volé à sa grande famille, quoi? C'est ce qu'on est en train de voir dans les dernières évolutions. Voilà, il y a effectivement, mais c'était quelque chose qui était aussi semblable au destin de Naruto, tout à fait, où à la fin on se rend compte que il n'est pas si éloigné de la caste dirigeante. En fait, ce qui va être intéressant, ça va être la conclusion. C'est-à-dire que Naruto, la conclusion, ce qui est intéressant, beaucoup de gens ont reproché à la fin de Naruto qu'il y ait justement ce fait qu'il soit l'héritier d'une lignée. Mais ce que dit, je pense, Naruto, par exemple, on va finir sur Naruto parce qu'on est sur One Piece, mais ce que dit Naruto complètement, c'est que on a beau être l'héritier d'une lignée, on peut en faire ce qu'on veut, en fait. C'est à nous de choisir le chemin. Et je pense que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que, comme on le sait dans le récit, pour devenir le roi des pirates, faut trouver le One Piece, donc le fameux trésor dont on ne sait toujours pas exactement à quoi il correspond. Oda avait juste précisé que ça serait pas quelque chose comme l'amitié, le courage. Enfin, c'est pas genre la valeur en nous, c'est quelque chose de concret. Et on sait que celui qui l'a devient le roi des pirates. Alors ce qui est intéressant, moi, je trouve en tout cas, c'est qu'au début, c'est un peu un gimmick. On se dit, bon, bah celui qui trouve le trésor, il est le plus puissant. Et plus on approche, plus il y a des pirates dangereux qui le veulent vraiment, en disant, si je l'ai, c'est moi le roi. Donc il y a quand même quelque chose qui permet d'asseoir sa suprématie sur les autres. Et donc l'intérêt, c'est si Luffy arrive à s'en emparer, qu'est-ce qu'il va faire de ce pouvoir ultime, en fait? Qu'est-ce qu'il va faire de... qui pourra rester l'homme le plus libre, comme disait Jérémy, parce que selon lui... Un pirate, pourquoi il est pirate? C'est parce qu'il est libre. Et donc, on va voir ce concept de liberté confronté à ce gouvernement qui est de plus en plus dictatorial au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. C'est ça qui est passionnant. Surtout qu'en plus, c'est ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que l'organisation interne au gouvernement mondial évolue, et il y a des personnages beaucoup plus radicaux qui prennent le pouvoir. Akainu. Sengoku, qui était l'ancien grand dirigeant de la marine, était beaucoup plus modéré que Akainu, qui lui est vraiment une sorte de préfet. Sengoku, déjà, c'était voilà, le Bouddha. Oui. Donc de base, comme son avatar était censé incarner la sagesse, c'est vrai qu'il était davantage pondéré. Et ce qui est vraiment très intéressant au niveau de la marine, c'est que justement, on n'est absolument pas dans un univers qui est statique avec des forces en présence qui ont été établies. Et puis une fois qu'on les a vaincus, on passe à d'autres, etc. Comme des échelons à gravir. C'est que justement, on a des conflits. Les trois principaux amiraux, il y a eu un conflit entre deux amiraux et du coup, ça a amené justement une sorte de micro-mutinerie et donc une réorganisation des amiraux. Et en fait, certes, la tête de cette amirauté est devenue beaucoup plus rigide et beaucoup plus stricte, ce qui n'empêche pas que justement d'autres personnes ont pu être promues à d'autres rangs et se font néanmoins une vision un petit peu plus lucide de la situation et de l'évolution dans le nouveau monde. Mais justement, ces nuances, on va y venir un petit peu plus loin. En attendant, One Piece est de très loin le manga shonen le plus vendu. Néanmoins, les polémiques qui ont entouré le pass culture et le succès de ce type de bande dessinée, de manière générale, ont montré que le manga, il y en a, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables. Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball, il fut un temps où il faisait peur et inquiétait même les parents. Violent, disait-on à l'époque. Des dessins très violents, popularisés notamment par la télévision. Ça s'adresse à une clientèle de jeunes qui est en fait représentative de la société d'aujourd'hui. Donc en recherche d'identité, un peu en marge, très typé sur des jeunes de banlieue... ou en difficulté. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga que l'on pourrait traduire par image irresponsable, tout un programme. Un mauvais moment à passer. Alors là, il y a évidemment eu des archives, mais c'est ce qui m'a marqué avec ce débat autour du pass culture, c'est que je pensais pas que ça allait, j'allais voir ressurgir comme ça des gardiens du temple du bon goût et, qui ont estimé que bah, des jeunes qui allaient dépenser le chèque que l'État leur avait remis pour acheter des mangas, et bah c'était pas forcément une bonne chose, que c'était pas encore quelque chose de bien vu, et en même temps. Et il est vrai aussi que, notamment quand on regarde One Piece, en tant que leader du type shonen, c'est un manga qui cartonne auprès des jeunes des quartiers, j'en suis la preuve, hein, moi je suis issu de ces endroits-là. Et c'est vrai que je parle avec beaucoup de jeunes de quartier de One Piece, de Naruto, qui plaisent un peu plus que d'autres mangas à tous ces jeunes qu'on entend rarement dans les médias traditionnels. Donc, est-ce que vous avez des commencements de bribes de réponses à tout ça? Alors, pour ma part, oui, j'ai plusieurs pistes qu'on pourra explorer. Après, on les suivra ou pas, hein, ça va dépendre de mes camarades. Je pense que déjà, premièrement, le manga, depuis maintenant 30 ans, comble un vide éditorial en France. On a de la bande dessinée qui est prévue pour enfants, très généralement, au niveau des éditeurs, on cherche vraiment, après 12 ans, on n'a plus vraiment de bande dessinée qui est prévue pour ça. Et après, on va avoir la bande dessinée adulte, le graphic novel, comme on aime à dire, le roman graphique pour se la péter. Mais au niveau de la littérature pour adolescents, il n'y a pas grand-chose. C'est pas pour rien qu'il y a une époque, ils se sont également fait... décrié par beaucoup de personnes, les romans Chair de poule ont cartonné, parce que les adolescents qui aiment se faire peur pouvaient pas commencer à regarder des vrais films d'horreur, des slashers, avec Chair de poule, il y avait quelque chose auquel ils avaient pour lequel ils avaient une appétence, et il y avait enfin une offre qui était là. Le manga apporte ça. Dans le manga, on va avoir justement, quand on est jeune, qu'on est en train de se poser des questions par rapport à l'autorité parentale, par rapport à l'autorité étatique, qu'on se demande où est-ce qu'on se place dans la société, les mangas viennent apporter des réponses à travers des personnages qui sont extrêmement poussé, extrêmement développé. Quand je fais des conférences avec des parents et des enfants, très souvent, je commence en me demandant quel âge a Lucky Luke, quel âge a Astérix, quel âge a Tintin. Il y a toujours un malin pour faire « Ah, Tintin, il a 80 ans !» Non, je parle du personnage. On ne sait pas. On ne sait pas quel âge ils ont. On ne sait pas ce qu'ils aiment comme nourriture. On ne sait pas quels sont leurs copains, quels sont leurs ennemis. Quand on prend un Naruto, un Dragon Ball, un One Piece, dès le début, on connaît l'âge du personnage, on sait quelle est sa passion, on sait quel est son meilleur pote, on sait avec qui est-ce qu'il s'entend pas. Les enfants peuvent s'y reconnaître. De plus, ces personnages grandissent avec eux. On a eu Dragon Ball qui est devenu Dragon Ball Z. Alors là, je parle au niveau de l'animé, le manga est resté. De même, Naruto est devenu Naruto Shippuden. One Piece est pour l'animé et pour le manga, le nom est resté le même, mais il y a un moment, il y a un gap de quelques années, qui permettent aux personnages... Oui, car l'aventure de One Piece, c'est pour l'instant, c'est sur 2 ans et demi, 3 ans. Oui, mais il y a vraiment un moment... Il y a une ellipse, effectivement, un moment de 2 ans. De 2 ans. De 2 ans, où justement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et ça permet à la fois de faire vieillir les personnages, et de leur donner aussi des nouvelles capacités face au danger. Luffy revient avec une gigantesque cicatrice sur le torse, etc. On se demande ce qui a pu se passer, mais surtout... Ah oui, si ça, on le sait. Au tout début, quand on... Et en fait, ça permet aux personnages de passer de la pré-puberté à la puberté en même temps que leur lectorat. Donc il y a ça aussi qu'en France on ne proposait pas. Et pour des lecteurs français, il y en a beaucoup justement, puisque vous parliez des les jeunes de banlieue qui sont vilipendés parce qu'ils lisent du manga, qui se retrouvent énormément dans le personnage de Vegeta. C'est pas pour Vegeta, rien. Vegeta. Oublié. Mais et ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce personnage représente énormément de choses que eux-mêmes ont vécu au quotidien et s'incarnent totalement dedans. Donc il y a vraiment, je pense, ce manque que vient combler le manga dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, on l'a expliqué tout à l'heure, il y a un travail qui est fait en amont au Japon entre les auteurs, les responsables éditoriaux, pour faire en sorte de fournir la meilleure qualité possible à un public. Si on fournit de bonnes histoires à des adolescents, ils accrochent. Et ceci, tout bêtement. Donc voilà, il y a à la fois la qualité du produit qui est proposé, et en plus, ça vient combler un manque dans l'offre qu'on a tout du moins en France. Jérémy Tourda. Oui, et surtout, en fait, on grandit vraiment avec ces histoires. Moi, quand j'ai commencé One Piece, j'avais 13 ans. On était à peu près au 46e tome. L'animé commençait à arriver sur Virgin 17, qui se souvient de Virgin 17. Et du coup, on rentre dans cet univers, on s'y accroche, on suit. Moi, je fais partie d'une génération qui était encore très sur les forums. Et donc, on cherche à en discuter partout. Dès qu'un nouveau chapitre sortait, dès qu'un nouveau tome sortait, on était là, on en parlait. Moi, je me souviens encore très précisément de la mort de Ace, du visage de Luffy complètement détruit. Et avec mon cousin, mes amis à la cour de récré, on était là, on parlait au collège. Mais tu as vu ce qui s'est passé? C'est pas possible. On était profondément détruit, profondément choqué de ce qu'on voyait. Et ça nous suit. Maintenant, j'ai 10 ans de plus dans les pattes, et c'est toujours le sujet. T'as lu le dernier tome de One Piece, t'as vu ce qui vient de se passer. Et en plus, il y a une farandole de personnages qui vraiment nous permettent de nous identifier à eux, de grandir avec eux, et qui n'est sans pareil ailleurs. Oui, c'est exactement la même qualité qu'on peut retrouver dans Harry Potter lors de la première publication, c'est-à-dire que les lecteurs vieillissaient en même temps que Harry et ça transposé au manga, c'est finalement la même chose. Après, il y a quand même une différence entre Harry Potter et One Piece, de quel pays ça provient, je trouve c'est important parce que, mine de rien, je pense que ce qui embête encore beaucoup de gens avec le manga, en tout cas les plus vieilles générations, c'est qu'on est de pays, judéo-chrétiens, entre guillemets, qui sont pétris de religions, avec des dogmes très forts, surtout sur tout ce qui concerne la violence, la sexualité, ce genre de choses, que n'ont pas trop l'Asie. En fait, au Japon, ils ont le shintoïsme et le bouddhisme, qui sont des religions et des courants de pensée plus libres à l'interprétation sur beaucoup de choses, surtout normalement en rapport au sexe et au corps, en fait. Ce qui est quelque chose qui donc fait que dans les mangas, très vite, on peut être un peu graveleux par moment, on peut être un peu plus violent. C'est pas grave, en fait. On sait, en fait, que c'est ce que pensent beaucoup de Japonais. C'est un cycle de vie, en fait. Y a pas de barrière, en fait, qui nous interdit ça. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les mangas comme Naruto ou One Piece marchent dès le début. C'est que One Piece, c'est l'aventure, c'est le gamin, il part au bord des mers, il va rencontrer des pirates dangereux, il va faire des grands combats, il y a des filles magnifiques, enfin Nami, Robin et même des tonnes de personnages, Kurena entre autres. Naruto, on disait c'est pareil, quand ça commence sa première technique, c'est il peut se transformer le harem no jutsu, il se transforme en fille à poil. C'est des histoires aussi qui n'ont pas peur de montrer la chose aux gens. Il y a toujours des petits nuages qui cachent les parties intimes. Il y a une forme de censure. Non mais bien sûr, parce qu'ils savent qu'on sont quand même des enfants, donc il n'y a jamais de tétons, il n'y a jamais de poils, il n'y a jamais de choses, mais enfin à un moment on est dans quelque chose de polisson. On sait qu'on parle à des pré-ados. Oda, il l'a dit, il dit moi je fais un manga pour garçons. Alors lui, il est un peu peut-être vieux jeu, surtout à notre époque où on essaye de casser les barrières, mais il dit par exemple il y a pas d'histoire d'amour dans One Piece parce que pour moi quand j'ai grandi l'histoire d'amour c'était plutôt les shoujo manga. Un peu évolué avec le temps dans les derniers arcs. Ouais, mais il disait par exemple il disait que Luffy en soi il voyait pas d'intérêt. En fait il veut faire je pense comme avec Sangoku, c'est que si un jour Luffy se marie so be it, mais on va pas montrer de romance. En fait Sangoku il part avec Shishi sur son nuage, deux chapitres après il a un enfant et puis voilà quoi. Ce sont des enfants adultes en fait. C'est pas le cœur de l'histoire. Exactement, c'est pas du tout le cœur de l'histoire. Il expliquait mais c'est des détails, mais ça montre à quel point mine de rien inconsciemment il réfléchit. Il disait par exemple que Luffy n'a pas de poil aux jambes parce qu'il l'imagine pas comme un adulte avec du poil aux jambes. Il dit mais si les lecteurs le veulent vraiment, je peux le faire par exemple. C'est ce genre de détail. À un moment, il y a une scène de harem quand ils sont, les filles prennent leur bain à la basta vers la fin de la basta. Et en fait, les garçons vont mater. Certains des garçons de l'équipage vont mater et Luffy mate. Et je me rappelle que dans les questions des lecteurs, à un moment, il y a un lecteur qui dit mais pourquoi Luffy a maté ? Il dit plus par mimétisme pour faire comme Usopp, Sanji, que vraiment par envie, parce que on le verra plus tard avec par exemple les Amazones, ils s'en fichent un petit peu de ces questions-là, donc c'est ça qui est intéressant aussi dans un manga comme One Piece, ça parle aux jeunes parce que ils ont quand même une dose de contre-culture, de ce que les adultes disent qu'il faut pas faire, on dit « Ah non, le sexe, t'es trop jeune, ah non, la violence, faut pas que tu regardes », donc ça on l'a, mais pour autant, les personnages sont quand même très vertueux, quoi. Luffy, oui. C'est quand même un modèle de droiture. Il pourrait monter sur le nuage de Sangoku, je pense clairement. Et d'ailleurs, en 100 tomes et 1000 épisodes, alors que Luffy a toutes les parties du corps qui peuvent s'allonger à volonté, on n'a jamais eu la moindre blague grivoise. Comme c'est quoi. Vrai. Alors, on en a une chez les Amazones. Oui, il y en a une. Mais elle n'est pas de son fait à lui. Voilà. Et, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Jérémy, justement. C'était très, très intéressant. C'est aussi sur le fait que, quand je citais les grandes icônes de la bande dessinée française, on a des choses qui sont très épisodiques. Astérix, on a chaque épisode qui se passe à tel endroit, Tintin, idem, alors que Dragon Ball, One Piece, Naruto, et j'en passe, ce sont vraiment des fresques au long cours. Ah, c'est des épopées. C'est vraiment des épopées qui est des trucs feuilletonnants, et il y a ce côté feuilletonnant où chaque semaine, le jeune va être pris. Ah, mais vite, je veux absolument savoir ce qui va se passer. Il suffit de voir sur Twitter, à la sortie de chaque nouveau chapitre de One Piece, ça se retrouve dans les tendances Twitter parce que tout le monde veut en parler. C'est quelque chose qui les happe. Et on a beaucoup parlé des petits garçons. De la pile que peut avoir One Piece pour eux, mais aussi pour les jeunes filles aussi, il y a l'attrait. Pardon. Voilà, c'est... Le côté un petit peu. C'est l'anglicisme, j'étais en train de dire. La pile aussi. Pardon. Donc l'attrait aussi pour les jeunes filles, parce qu'on a aussi des personnages féminins qui sont très forts, qui ne se laissent pas faire, qui vont de l'avant. Et qui vont de l'avant, qui se battent aussi. Et voilà, c'était aussi pour ajouter que Je voulais rebondir. Alors du coup, cette fois-ci, pas du point de vue des lecteurs, mais plutôt du point de vue des critiques. Donc les personnes qui justement se disent que, franchement, enfin, je schématise, le manga, c'est pas bien. D'un point de vue global, si on regarde le milieu de l'édition depuis le 19e siècle, on a toujours eu ce genre de critiques. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, il y avait déjà les critiques des feuilletons. Quand Balzac et Zola publiaient des chapitres, c'était considéré comme pas bien. Milieu des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le livre de poche est apparu, tout le monde a critiqué le livre de poche, comme quoi la littérature était finie, c'était pas possible, etc. Alexandre Dumas a été critiqué pour les mêmes raisons. Exactement. Il a fait du livre de poche. pas du livre de poche, non. C'est-à-dire sur la production, sur le côté épisodique. Voilà. Exactement. Et là, du coup, on a effectivement des critiques comme ça qui s'adressent au manga. Et je pense que ces critiques, en fait, elles correspondent à un élément qui est tout simplement une question d'habitude de lecture. C'est-à-dire que ce que je constate, c'est que depuis quelques années, en fait, on est passé d'une civilisation de l'écrit, donc avec vraiment du texte, à une civilisation de l'image. Et il s'avère que le manga, pour le coup, est à la jonction des deux, de l'écrit et de l'image. Donc cela permet justement aux personnes qui sont adeptes d'histoires qui leur plaisent, justement, de pouvoir lire et de pouvoir profiter de l'image, et c'est ça en fait qui gêne un petit peu les personnes qui sont adeptes du passe culture, parce qu'elles imaginent que la culture c'est avec un grand C, et on va dire d'un point de vue académique, alors qu'en fait j'aurais tendance à dire, mais à partir du moment où les jeunes lisent, mais laissez-les lire. 100 millions, on peut même pas surenchérir. On va pas les laisser faire. Je ne veux pas qu'on m'enlève une amie juste parce que je n'ai pas assez d'argent pour la sauver. C'est alors que... Luffy. Luffy. Kaimi, tu es là! On t'a retrouvé! Attends un peu, arrête! Qu'est-ce que tu comptes faire? Okji tente de retenir Luffy, mais il lui échappe et part sauver Kaimi. C'est un homme poisson! Un dragon céleste tire sur Okji et le blesse. Arrête-toi! Ne sois pas en colère! Souviens-toi de ta promesse! Quoi qu'il advienne, tu ne te battras jamais contre un dragon céleste, même si quelqu'un se fait abattre sous tes yeux! Hé, le poisson, tu vas la fermer! Je t'ai tiré dessus, alors arrête de jacasser! Tu commences à m'énerver! Misérable! Ça veut dire quoi, ce regard? Si tu fais ça, vous allez avoir de gros ennuis! C'est le chapeau de paille. Il va tout de même pas. Toi aussi, tu commences à m'énerver. Alors, cet extrait est... vraiment décisif pour moi dans l'amour que j'ai de One Piece, parce que c'est vraiment de l'amour à ce niveau-là, c'est qu'on a un héros qui a un petit gilet, des sandales, un chapeau de paille, qui veut devenir le roi des pirates et naviguer sur les mers alors qu'il a mangé un fruit des démons, qui fait que son corps est élastique, mais qu'il ne peut pas nager. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui est marginal et handicapé dès le départ, qui se retrouve face à une caste, une famille de dragons célestes qui pratiquent l'esclavage, qui sont soutenus par le gouvernement, qui disposent de la vie de quiconque comme ils le veulent. Et il y a ce petit bonhomme avec son chapeau de paille qui voit une injustice commise devant lui et qui, ni une ni deux, ne réfléchit pas et se dit « ce que je vois est injuste, ça me révulse profondément » et qui lui met une grosse patate. Et sans en parler avec mon fils, j'ai regardé la lecture parce qu'il a lu donc les 99 tomes de One Piece et de la même manière, au même moment, il a dit « ah, Luffy !» C'est un héros, c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre des patates quand il y a une injustice. Et il y a quelque chose de profondément, même s'il se revendique pas révolutionnaire, Luffy, il y a quelque chose de profondément insoumis chez ce personnage et même dans son look. C'est-à-dire que le chapeau de paille, les sandales et tout ça, le Bermuda, on n'est pas vraiment dans la création d'un héros charismatique dès le départ. On est dans la création d'un héros charismatique, sauf que le charisme ne passe pas par le physique. C'est-à-dire que Luffy, c'est quelqu'un qu'on apprécie pour son comportement, pour son caractère et pour ses émotions. Faut jamais oublier que Luffy, alors je dis pas ne pense pas parce que c'est faux, mais lorsque Luffy s'exprime dans le manga, en fait, il parle, il n'a pas de bulle de pensée. Oui, il est sans filtre, et du coup, c'est ce qui permet réellement de l'apprécier et d'en faire véritablement un compagnon de voyage. Donc après, on va dire qu'il porte un Bermuda, des sandales. Finalement, on s'y attache pas trop. Par contre, ce qui est très important, c'est son chapeau de paille, puisque il lui a été cédé au début du premier chapitre par Shanks, et donc il y tient plus qu'à la prunelle de ses yeux. Et ça fait effectivement. Shanks, qui est un autre pirate, Shanks le Roux, et qui fait partie des quatre grands empereurs. Exactement. Et du coup, qui a sacrifié son bras pour sauver Luffy. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement le chapeau de paille que Luffy porte, il y tient plus qu'à la prunelle de ses yeux. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver très souvent chez les héros de Shonen, c'est le côté extrêmement instinctif. Mais alors chez Luffy, vraiment, Oda a poussé les curseurs à fond les ballons. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires de One Piece qui peuvent commencer juste parce que Luffy a faim et parce qu'il a la dalle, il va chercher à trouver un endroit où manger et c'est ça qui va être le moteur initial de l'aventure dans laquelle ils vont s'embarquer. Mais justement, ce qui est très intéressant avec Luffy, c'est que à la base, le manga est un médium créé par des Japonais pour des Japonais. Et on sait à quel point le poids de la société est très très important au Japon. Faut faire bonne apparence, quand il se passe ceci, tu fais plutôt comme ça, parce que même si ce que tu penses au fond de toi, c'est d'aller à droite, faut aller à gauche, tu vas... Non, parce que si le groupe va à droite, il y a un proverbe au Japon qui dit, je rappelle, hein, le clou qui dépasse s'appelle le marteau. Donc ça dit bien tout ce que ça veut dire. Et avec Luffy, il y a au contraire ce message direct hein, pour les jeunes Japonais, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, exprimez-vous, faites-le savoir. Alors, pas forcément en mettant des grosses patates, mais vous avez le droit de dire que vous êtes en désaccord avec ce que vous voyez quand ça vous déplaît. Et c'est un message qui est extrêmement fort. Et c'est justement un message... Et qui marche au-delà du Japon également. Et qui justement marche au-delà du Japon. C'est un message qu'on peut retrouver justement dans beaucoup de shonen à partir des années 90-2000. C'était pas encore forcément très très présent dans les années 80, où on avait quand même des héros qui... Ils étaient forcément guidés par le bien, parce qu'il y avait... Ils étaient dans le bon mouvement. Donc, ils avaient... Parce que là, justement, on n'arrête pas de le dire, Luffy, lui, va à contre-courant du... pour un pirate, du mouvement établi, et parce que lui, il veut être libre, donc... Luffy, c'est un électron libre, oui. Dans toute l'histoire, et on l'a dit, il est très insouciant, mais il est caractérisé par un code moral qui est très fort, parce que dès l'enfance, il a subi beaucoup de discrimination, à cause de la pauvreté notamment, et surtout, en fait, son modèle, Shanks le Roux, c'est lui qui lui a transmis ce code moral, cette volonté d'être libre. Et donc, dès qu'il va voir une injustice, ou qu'il aille sur les différentes îles qu'il va traverser, bah, en fait, il va se dresser contre ça. Lui, sa volonté première, c'est que personne ne lui impose quoi que ce soit. Donc, dès que il fait face à une injustice, il va même pas réfléchir. Il va... Il n'est pas là pour imposer, comme d'autres empereurs ou comme d'autres pirates, pour imposer la liberté ou imposer une certaine vision. Il a sa vision de la liberté, il a sa vision du... Il n'a même pas forcément de vision du monde. La seule chose, non, c'est la liberté avec un grand L. C'est ça. La liberté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne se revendique pas des révolutionnaires, parce qu'il y a dans One Piece une vraie armée révolutionnaire avec un chef qui est son père. Et en fait, il se revendique même pas de ça. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment la liberté au concept le plus pur. C'est ça. Donc dès qu'il voit une injustice, il fonce dans le tas parce que c'est ce qu'il fait le mieux. Et il libère le monde. Et surtout, en fait, il inspire les autres. Pour que eux-mêmes puissent devenir libres, quelle que soit la manière dont eux le définissent. Je le dis à Jérémy justement avec le propos du code moral. Sans son code moral, il pourrait pas y avoir l'équipage parce que l'équipage de Luffy sont tellement disparates, ils se retrouvent tous grâce à lui. C'est lui le noyau. Cédric Despapes, puis après on parlera de l'équipage. Oui, je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été autour de la table. Moi, je trouve qu'il y a un autre héros qui est assez différent, mais qui se rapproche sur un point, c'est Spider-Man. En fait, les deux ont la même. En fait. Les deux reposent sur un trauma, en fait. Au tout début du manga, Luffy, en fait, fait un peu toujours le foufou. Il est toujours en rébellion contre le personnage de Chang, dont on parlait jusqu'à présent. Et comme on le disait, il va perdre un bras. En fait, Chang va perdre un bras pour sauver Luffy. Et ça, Luffy se le pardonnera jamais, en fait. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, que le chapeau, en fait, est important, parce qu'il lui dit, quand on se reverra, quand tu seras arrivé au sommet, là, tu me le repasseras. Et c'est pour ça que ça devient vraiment plus qu'un trésor. C'est un symbole, en fait, de ce qu'il a raté. Et de ce qu'il ne veut plus rater. Et dans la série, Oda, il avait fait un truc assez, je trouve, plutôt malin. Il n'y a pas de mort, quasiment pas, à part dans des flashbacks, en fait. Jusqu'au moment où il y a la mort de Ace, en fait, qui est un autre raté de Luffy, qui va se reprocher et qui va le marquer aussi par une cicatrice. Et là encore, de nouveau, il va y avoir justement ce flashback, cette nouvelle... Parce que là, un autre point fort de One Piece, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entraînement. Il y a beaucoup de shonen manga, on voit des entraînements, on voit des level up de nos héros, on voit des... Oui, ça arrive presque hors cadre. Dans One Piece, en fait, pendant 10 ans environ, 7 ou 10 ans, il va s'entraîner au tout début, donc on ne le verra pas subir cet entraînement, mais il est déjà devenu le plus fort, en tout cas, il est l'un des plus forts au début. Et quand va arriver ce nouveau trauma, il va devoir avoir un nouvel entraînement, ce qu'on disait, une ellipse de 2 ans et demi va passer, et là, il est encore plus fort qu'avant. Et donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il se rebelle contre toute injustice, mais en tout cas... le manga fait toujours en sorte que l'injustice tombe sur son chemin, c'est plus ça, parce que je pense que il verrait des mecs se foutre sur la tronche, il n'interviendrait pas, mais à chaque fois ce sont des amis à lui, des gens qu'il a pris sous son aile. Quand il y a les hommes poissons et qu'ils se rebellent, c'est parce que les hommes poissons l'ont accueilli, ils ont partagé des choses. Pour ils ont mangé ensemble. En fait, c'est ce que disent beaucoup beaucoup de jeunes, surtout fans de One Piece, beaucoup en banlieue, on l'entend aussi beaucoup, c'est les nakama, les compagnons, en fait, dans One Piece. Je pense que c'est ça qui guide le truc, c'est que pour lui, si on fait une rencontre qu'elle est positive, on est compagnon. Et ça s'arrête là, en fait. Et à partir du moment où t'es un compagnon, tu dois l'aider et tu dois arriver à le mettre en avant. Et justement, parlons-en de cet équipage, parce que on a l'impression que là, Luffy, tel Goku dans Dragon Ball, il est tout seul et qu'il est un peu Thaumaturge, faiseur des miracles. Or, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce qui m'a toujours frappé dans la lecture de One Piece, c'est qu'il y a cette dynamique de groupe, mais qui est bien plus poussé que dans d'autres shonen, parce qu'il y a des désaccords, des engueulades, mais comme dans la vraie vie, c'est-à-dire des fois même des amitiés qui se brisent pendant un certain temps. Il y a des scènes déchirantes où on se dit des choses qui ne font pas plaisir. Zoro est très très différent de Luffy, a un autre code moral. On a même des fois l'impression qu'ils reconnaissent que Luffy est en train de prendre une mauvaise décision, un mauvais choix, qu'il est trop instinctif. Mais, en tant que membre de l'équipage, c'est de leur devoir de faire en sorte que cette envie qu'il a puisse être réalisée, quitte à ce que ça leur pose aussi des problèmes. Mais il y a vraiment en permanence différents points de vue. C'est-à-dire que Usopp va vouloir aider Luffy, mais lui, il est moins fort, donc il va essayer de manipuler, de mentir un peu plus, de louvoyer. Nami, elle va se dire, oui, mais là, c'est dangereux. Est-ce qu'on va sortir un peu plus riche de cette histoire ou non? Et je trouve qu'il y a cet hétéroclisme dans l'équipage de Luffy et ces désaccords qui sont assez rares et surtout tenus aussi longtemps dans l'histoire du manga. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même quand il y a des personnages secondaires dans d'autres mangas, on a toujours l'impression qu'au bout d'un moment leur personnalité s'efface pour ne laisser que un ou deux héros, alors que dans One Piece, non, Zoro est toujours un bloc d'un côté, Sanji n'aime pas Zoro, Zoro n'aime pas Sanji. Enfin, il y a cette dynamique de groupe. Il y a deux choses. Jérémy. C'est ce qu'on retrouve dans Dragon Ball. Au bout d'un moment, tout se concentre uniquement sur Sangoku, sur Vegeta, tous les autres personnages secondaires. Vegeta. toute la team Yamcha, Tenchinan, eux passent totalement au travers. Là, par contre, il y a deux choses. L'équipage déjà du Chapeau de Paille, c'est une grande famille recomposée. Ça se chamaille, ça se fait de grands câlins. Et Luffy a une façon de diriger qu'il a pris de Shanks d'ailleurs, qui est très douce. Tout le monde a le droit à la parole, tout le monde écoute. Mais il y a un profond respect qui est envers les uns les autres. Et c'est ça aussi qui permet. Et même au final, on voit bien Luffy se fait martyriser parfois par ses compagnons, surtout Nami, qui le tape dans tous les sens. Mais on reste quand même dans un respect du capitaine, respect de tout faire pour que un jour lui puisse réaliser son rêve. Et parce que aussi Luffy les dirige par l'exemplarité, c'est-à-dire qu'à dans leur tragédie personnelle, parce qu'ils ont tous, ça pourrait être les héros chacun d'un manga à part entière. Et il a toujours tout abandonné, mis ses propres rêves entre parenthèses pour résoudre le problème ou tenter de résoudre le problème de ses camarades. Et ce qui est d'ailleurs fou, c'est qu'il y a même certains moments où on a l'impression que Luffy est plus honnête, enfin connaît mieux ses camarades qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. C'est-à-dire que il y a cette scène de Nico Robin où elle a peur de faire partie d'une famille, elle a peur d'être trahie, et en fait lui sait que profondément elle a envie de faire partie de cet équipage, d'avoir une famille, de ne plus vivre en tant que marginal. Et on est toujours sur le sens de l'instinct de Luffy, où il arrive. Parce que ça marche en fait. En fait, ce qu'on n'a pas encore dit jusqu'à présent, c'est que c'est un équipage, mais ils ont tous un rôle en fait. La force en fait, scénaristiquement parlant, d'Oda, c'est que les personnages sont pas inutiles. Par exemple, on disait Usopp, qui est un personnage plutôt faible. Il est le canonnier de l'équipage. En fait, il sait très bien viser, que ça soit avec un canon ou un lance-pierre. Donc, Luffy reconnaît cette valeur. Et en fait, déjà, je pense qu'il y a ce concept de est-ce que je m'entends bien avec eux ? Mais il s'entend bien avec plein de personnages. Alors, il pourrait prendre des milliers de personnages. Et d'ailleurs, dès qu'il rencontre quelqu'un qui lui plaît, il dit ah, tu fais ça. Plus que ce qui lui plaît, c'est surtout est-ce qu'il a la fonction que je cherche. Ouais. Par exemple, pendant très longtemps, il dit j'ai besoin d'un musicien. Alors on me dit mais ça sert à rien un musicien. Si, il faut un musicien sur un bateau pirate, c'est normal. Il faut quelqu'un qui foute l'ambiance et tout. Et il va finalement en trouver un qui est un squelette qui s'appelle Brooks, qui est un squelette à coupe afro qui s'appelle Brooks. Et il le voit, il entend la musique, il le voit arriver et lui. Peu importe, je te veux mon équipage, quoi. Et il le dit avec d'autres personnages. Robin, au début, il la prend avec elle, mais parce que il l'a aidé à s'enfuir, mais il a vu dès le début qu'elle avait pas trop un mauvais fond. Et bon gré mal gré, en fait, il se dit non, mais en fait, elle est douée, et je la veux, en fait. Donc, il oublie pas, en fait, son but, le One Piece, que pour ça, il y arrivera pas seul, il lui faut un équipage de gens exemplaires. Et je pense que c'est ça aussi qui noue tous les personnages ensemble, c'est qu'ils se disent, Luffy va être le roi des pirates, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il fait, un peu comme Naruto, en fait, ce sont des personnages qui diffusent les bonnes ondes tout le temps, et sur leur passage, ils imposent un modèle qu'on a envie de suivre. En fait, on le voit d'ailleurs beaucoup dans les mini-histoires qui sont des fois en début de chapitre, on découvre ce qui est arrivé à d'autres personnages. On voit par exemple ce qu'il a amené à Alabasta, qui était une nation en grand danger, avec un tyran, avec Vivi. On voit que Vivi, elle a vraiment repris les choses en main pour changer les choses à un niveau personnel et mondial. Alors elle est plus membre de l'équipage, mais elle est membre de cœur du coup. Elle a toujours une croix sur le poignet. Elle est joyeuse juste pas avec eux. Il y a des personnages qui ont littéralement changé, qui sont devenus gentils. On pense par exemple à Hermep, est le compagnon de Kobe, qui est un jeune bourge, fils à papa, méchant, qui clairement dit faut tuer Zoro, faut tuer Luffy. Après la rousse qui va se prendre avec eux. Ou c'est la tôle, ou c'est l'école militaire, il part avec un autre personnage, donc Kobe, qui rencontre Luffy au début, et ils vont devenir des exemples de droiture, en fait, tous les deux. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce truc-là que Oda, beaucoup de mangaka, en fait, je pense, se posent pas de questions. Quand on fait 20 pages par semaine, on n'a pas le temps non plus de réfléchir au sous-texte. Il y a quelque chose qui doit venir, c'est du fluide, quoi, c'est de l'instinct. Et je pense que chez Oda, instinctivement, ils se disent, ce personnage va faire comme ça parce que c'est, il pense comme ça. Et on n'a plus besoin de réfléchir. Et donc, naturellement, quand on revoit ces personnes, on se dit, c'est naturel, en fait, que ce personnage ait évolué dans ce sens-là. Je ne suis pas comme vous. Vince Smoke Sanji. Je suis Vince Smoke Sanji. Le prince de l'Inde. Du royaume de Germa. Je suis navré de vous l'avoir caché. Mais je ne voulais pas que vous vous sentiez inférieur. Je ne pensais pas que vous feriez tout ce trajet jusqu'ici. Je suis très touché. Tu peux partir maintenant. Désolé, j'ai déjà oublié ton nom. Tu te fiches de moi ? C'est quoi ces bêtises ? Je te laisserai pas faire ça ! Si tu veux, je peux t'aider à te débarrasser de cette vermine. Ne bouge pas. Hein ? Je vais m'en charger tout seul. Voilà un extrait avec Senji Vinsmoke, le meilleur personnage de One Piece. C'est vrai. Ou pas. Non mais je sais, en fait je lance ça comme un troll, hein, parce que je sais très bien que là il y a Team Zoro qui va débarquer. Comment ça ? C'est voilà. Mais moi c'est mon préféré, Senji. C'est personnage qui, ce qu'on disait hors antenne, mais qui va de, on, avec lequel on va de découverte en découverte, alors que voilà, que, comme Jérémy le disait, il est resté très discret pendant très longtemps. Mais c'était ça. Enfin, Sanji, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le cuisinier du équipage. C'est le cuisinier qui n'utilise pas ses mains, parce que les mains, ça sert à faire à manger. Exactement. Et à nourrir ceux qui ont faim, où que ce soit, qui qu'il soit. C'est ça. Et en fait, c'était un membre très calme, très lucide sur la situation. Très français. Et très français aussi. De toute façon, oui, c'est comme ça, même Koda le décrivait. Et souvent, en fait, dans les intrigues, c'est pas celui qui va se battre, ça lui arrive même assez souvent, mais c'est surtout lui qui va manigancer certaines choses pour que l'équipage puisse s'enfuir au bon moment, pour toujours dans l'ombre. C'est même pour ça, d'ailleurs, que pendant longtemps, il n'aura pas de... d'avis de recherche qui, avec une photo de son visage, parce que bah il sera difficilement trouvable, difficilement et ça joue aussi sur le fait qu'il peut rester discret et réussir ça. Et puis voilà, c'est un perso que moi j'apprécie beaucoup, parce que il casse les codes aussi un peu de la masculinité derrière son côté de dandy gentleman. Bah en fait, il est très attentionné, il a beaucoup de compassion, et c'est ce qu'on a découvert aussi dans... Puis c'est lui aussi qui va subir un entraînement assez peu orthodoxe, vu qu'il est envoyé sur l'île des Okama. Oui, c'est voilà, qui est traduit par l'île des Travelots. L'île des Traves. Oui, l'île de que des Traves. Voilà. L'idée étant qu'en fait, le terme ne soit absolument pas péjoratif. Oui, c'est des transformistes, voilà, en fait. C'est des transformistes, et donc l'île de que des traves, en fait, c'est pas forcément à comprendre comme que des travelots, mais simplement plutôt des travestis. Donc, ce qui veut dire que, du coup, c'est justement, Oda avait a tenté justement de créer une sorte de trouble dans le genre avec ces individus, ces personnes qui, justement, sont allées au-delà du genre masculin et féminin. Et donc, l'idée était bien évidemment de respecter cette volonté. Qui apparaissent très tôt, parce que dès le début, il y a un personnage qui est Mr. Two Bone Clay, qui est déjà parce qu'il y avait un personnage qui avait énormément marqué les fans. Exactement. À l'époque, par son exubérance, son extravagance, mais il pouvait être sérieux et se sacrifier, et se sacrifier le fallait, pour l'équipage, bien sûr. Et Emporio Ivankov, oui. Qui est donc le leader, c'est le second de l'armée révolutionnaire, également. Donc en fait, c'est vraiment, c'est aussi une manière, oui, on peut le dire, militante de présenter les personnages. Et c'est sur cette île que Sanji s'est entraîné et a appris à voler, à marcher dans les airs pour échapper aux tentatives de bisous de ses camarades. Donc Mathieu Pinon, vous vouliez revenir sur l'équipage. Oui, parce que quelque chose qui est très marquant dans One Piece, c'est que quand on repense à tous les shonen qui ont pu nous bercer à l'époque du Club Dorothée, on se retrouve très souvent avec une structure extrêmement fermée. Vous prenez Saint Seiya, ils sont 5. Voilà. Vous prenez Dragon Ball au début, ils sont un certain nombre. Yu Yu Hakusho, qui était un autre grand pilier du Jump, ils sont 5. Et très très vite, au début de One Piece, donc Luffy part à l'aventure, effectivement, il a besoin d'un équipage, et il commence à faire voir qu'est-ce qu'il faut pour un équipage. Il faut une navigatrice, il faut un maître coq, il faut un épéiste, enfin. Et une structure arrive très très vite. On se retrouve avec donc Usopp, Sanji, Zoro, Nami, puis Nico et Chopper, qui après Tony Chopper. Et puis on se dit ah, ça va se marcher comme ça. Et puis il y a Nico Robin qui arrive. On fait bon bah c'est très bien. Et la structure semble être trouvée. Et comme ça pendant 200 chapitres à peu près, quand soudain il fait ah bah non tiens il va me falloir quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'arrive Frankie, le robot en slip. Et Cyborg. Le cyborg en slip, mais grande surprise, on se dit, ah mais finalement, en fait, l'équipage n'est pas gravé dans le marbre. 100 chapitres plus tard, paf, un musicien avec Brooke. Et puis encore une centaine de chapitres plus tard, Jinbei qui débarque comme poisson. Et en fait, il y a cette ouverture, cette accessibilité. Et même des membres non officiels ou pas encore officialisés, mais il y a Carotte qui vient de la tribu Minx. Il y avait Vivi. Et puis Yamato, sait-on jamais. Voilà. Mais peut-être. Il y a cette ouverture. En gros, le statut de héros est totalement accessible à One Piece, enfin dans One Piece. Et c'est ça que c'est. Je pense que c'est une des raisons qui font que le manga a atteint une telle ampleur par rapport à d'autres grands succès. Vraiment, il a explosé tous les mangas qui ont jamais existé parce que cette structure figée habituelle a été explosée et il y a une accessibilité. Oui, toi, tu peux devenir, qui sait, un jour membre de l'équipage de Luffy. Il n'y a pas de raison, n'importe qui. À part condition que Luffy l'accepte, mais il n'y a pas de préconçu, de prévaloir pour rentrer dans l'équipage du chapeau de paille. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort et très marquant, qui fait une grande force de One Piece à mes yeux. Après, il faut pas oublier juste, comme l'avait dit Oda, qu'il avait quand même un nombre de membres assez fixe. C'est juste qu'encore une fois, ça a délayé dans le temps parce qu'il pensait pas. Et Brook, il dit, je pense qu'il arriverait beaucoup plus tôt que ça, en fait. Dès le premier chapitre, en vrai, Luffy dit, tiens, j'aimerais bien avoir 10 compagnons. C'est ça, c'est à peu près une dizaine de compagnons. Et bon, après, on n'est pas à l'abri qu'il en rajoute quelques-uns, mais Brook était teasé depuis des années et des années. Enfin, il avait montré des personnages très tôt, et c'est pas juste parce qu'il avait un grand plan. C'est juste qu'il dit, non, je me suis laissé trop déborder. Et il disait, par exemple, comme on parle à tous ces personnages, on a tous nos préférés. Il disait, l'équipage, chaque fois qu'il y a quelque chose, je dois montrer la réaction des 8, 9, 10 personnages. Et donc, du coup, ça me prend plus de temps. Donc, j'agrandis le nombre de chapitres pour montrer comment chaque personnage réagit. Dans la narration, en fait, on voit dans chaque arc, chaque personnage de l'équipage a son action, a son événement particulier pour lui, son coup de projecteur. Son coup de projecteur, clairement. Au point que, en fait, Luffy ne peut pas gagner si les membres de son équipage ne gagnent pas aussi avec lui. Ça c'est quelque chose en fait que je trouve extrêmement flagrant dans l'évolution de la série, c'est que jusqu'à peu près, on va dire au tome 50-60, on a l'impression que Luffy est une sorte de roc sur lequel tout son équipage s'appuie et que il est là pour les aider. C'est lui qui libère Zoro, c'est lui qui sauve Sanji, c'est lui qui permet à Usopp de partir. Et donc on se dit bon bah OK, c'est normal qu'il l'accompagne. Et il y a même à ce moment-là encore, on va dire des tensions sur c'est le capitaine, mais si je suis pas d'accord, je vais faire autre chose, etc. Et arrive ce fameux traumatisme dont on parlait tout à l'heure avec la mort de Ace, qui amène en fait Luffy du coup à comprendre que c'est pas lui qui sert de roc à ses compagnons, ce sont aussi ses compagnons qui lui servent de roc. Et à partir du moment où Luffy prend réellement conscience de ça, on a une dynamique totalement bouleversée au sein du groupe, c'est-à-dire que quand il retrouve ses compagnons, on sent, et même ses compagnons le disent, ils ont une certitude, Luffy, ce sera les rois des pirates. Avant, ils étaient juste, on va dire, leur capitaine, et il l'accompagnait, pas parce qu'ils avaient une dette envers lui, mais parce qu'effectivement, ils l'appréciaient. Mais à partir du moment où ils attaquent justement le nouveau monde, c'est une certitude, et dès qu'ils agissent, de toute façon, si quelqu'un a l'outrecuidance de dire non, il sera jamais roi des pirates, il se fait tout de suite renvoyer dans les cordes, parce que si, c'est une certitude, Luffy sera roi des pirates, et l'équipage est là pour l'aider. Et justement sur cette évolution de l'équipage, elle se fait aussi par les voyages et par les découvertes des différentes îles que l'équipage découvre. Et derrière ces îles, il y a l'intérêt qu'Eiichiro Oda renouvelle à chaque fois, non seulement pour le lecteur, mais pour lui-même. C'est-à-dire, il a l'occasion de dessiner autre chose, de dessiner de nouveaux environnements. Quand on se retrouve à Thriller Bark, on est clairement dans la version qu'Eiichiro Oda a d'un film de Tim Burton. Voilà, avec des fantômes, des zombies, etc. À Alabasta, on est dans le désert, on est plus proche des affrontements un petit peu type western aussi. Quand on est au pays de Wa, qui est la version du Japon de l'ère Edo, on est carrément dans l'estampe de Kusai, dans la grande vague. Et en fait, c'est aussi dont j'ai envie de parler avant de terminer cette émission, c'est le talent de dessinateur d'Oda. Parce que là, on parle des personnages, on parle du scénario, mais il y a quand même quelque chose d'incroyable dans son trait. Et dès les premiers tomes, même dans sa manière de forcer les contre-plongées, de tricher avec la perspective, de par exemple commencer un dessin en partant de la sandale du pied de Luffy dans une sandale et dessiner tout le corps qui va mettre un coup. Il y a vraiment un art de la mise en scène, du décor, décors et du style des personnages qui est quand même sans égal et qui, à mon avis, explique aussi pourquoi on peut parler d'une série 1000 épisodes plus tard, 100 tomes plus tard. C'est que on a affaire à quelqu'un qui a une richesse de d'invention et de coups de crayon qui est phénoménale. Vous en pensez quoi, vous? Alors oui, mais je vais mettre un tout petit bémol. Je trouve que son trait a tendance un peu à s'affaiblir depuis quelques années, parce que ça fait longtemps qu'il dessine. Il a des problèmes de santé, il dessine beaucoup, et surtout il a perdu quelque chose que j'aimais beaucoup jusqu'à aux trois quarts de la série. C'est, il y avait une forme d'épure quand même dans son trait. Il y a beaucoup maintenant de brouillon, il y a beaucoup de crayonné. Il fait beaucoup de personnages. C'est un truc, c'est impressionnant et on peut pas le lui enlever. Il adore les foules. Il fait énormément de bains de foules. On le voit là actuellement dans ce qui sort en France, à l'arc de Wano, où c'est une bataille où il y a des centaines de mecs à tous les niveaux, il y a des détails de personnages accrochés dans tel décor, dans tel mur, dans tel machin. Mais du coup, ça a forcément un contre-coup. Les personnages sont des fois un peu plus grossiers, il y a quelques petites foirades. Mais on peut pas enlever que je suis un peu dur. Je sais que je suis minoritaire, mais je, en fait, on peut pas être toujours parfait. Ça empêche pas la grandeur de One Piece pour moi. C'est un de mes mangas préférés. Ça change pas. Moi, j'ai grandi avec le trait d'Oda qui est fabuleux. Disons juste que moi, j'étais plus fan de ce qu'il a fait, par exemple, sur Water Seven, sur Thriller Bark, où je trouvais que là, il était vraiment au maximum de son style, où on sentait qu'il avait pas. J'ai l'impression, mine de rien, qu'il est parti dans quelque chose à lui. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qu'on n'avait pas trop dit, c'est que l'un des intérêts de One Piece, c'est que son trait était déjà un peu pas hors norme, mais à mi-chemin de plein de choses, oui. En fait. On sentait du Toriyama dans les bouilles, un peu des personnages un peu rigolos, un peu enfantins. On sent un truc un peu cartoon. Il a reconnu que l'idée de One Piece, enfin l'idée en tout cas de faire de la piraterie, ça venait de Vic le Viking. Et je trouve qu'il y a des choses un peu comme ça, de ce genre de vieux manga, des fois très simple. Et il y a aussi ce concept, moi j'aime beaucoup, de personnage un peu anthropomorphique, dans le sens qu'il y a toutes les tailles, tous les poids, ça, il y a des variations complètes de corps. Je pense que l'univers de One Piece est foisonnant, et puis on va revenir après sur les bâtiments, mais je pense que déjà à partir du moment où vous avez un univers où pour téléphoner il faut utiliser un escargot, ça vous permet toutes les tous les délires et toutes les subtilités possibles. Au niveau des bâtiments, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut garder à l'esprit. La première, c'est qu'en fait, même si le manga est en noir et blanc, Oda pense en couleur. Dans l'arc justement du pays des Wa, il peut y avoir effectivement des réflexions comme quoi justement, quand on regarde l'animé, c'est extrêmement coloré, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait par rapport à la vision qu'on avait de l'époque Edo. Alors qu'en fait, c'est un désir de Ichiro Oda. Il s'est entretenu justement avec le réalisateur de l'arc du Pays des Wa. Il a dit non, je veux quelque chose de coloré, je veux des couleurs vives, etc. Donc, du coup, ça veut dire que ces bâtiments, il les pense en couleurs. Après, ce qu'il faut voir au niveau de ces bâtiments, c'est que on expliquait en début d'émission que justement il y avait des assistants qui se répartissaient le travail. Lui, en tant qu'auteur, réalise tout ce qui est vivant. C'est pour ça que justement tu parlais des foules. Ça veut dire qu'il pourrait en faire moins pour s'économiser, mais c'est pas le cas. Il réalise tout ce qui est vivant et par contre il demande justement à ses assistants de réaliser le reste, donc une partie des bâtiments. Mais ce qu'il faut réellement garder à l'esprit, c'est que quand on voit justement l'atelier dans lequel Oda et ses assistants travaillent, il fourmille de documents, de figurines, de représentations pour justement avoir des inspirations. Et au fur et à mesure que justement l'équipage voyage d'île en île avec des thématiques différentes, et ben forcément si on a une thématique à la Basta, on va plutôt avoir une inspiration de tel style, une thématique à Water Seven, Venise, plutôt une inspiration de tel style. Et en fait l'idée c'est justement, on va dire, de réutiliser et surtout s'approprier l'ensemble de ces variations architecturales pour pouvoir les ressortir dans l'univers de One Piece, et force est de constater que le résultat est à la hauteur. Et justement, Benoît, pour conclure, est-ce que One Piece ne serait pas la version japonaise et incarnée par le manga de notre Astérix à nous? C'est-à-dire que de la même manière qu'Astérix se promène dans des pays étrangers et à chaque fois l'architecture, les costumes peuvent changer et tout se termine autour d'un énorme banquet, voilà, où on se met des patates voilà, qui font décoller les... Est-ce que, avec un côté un peu cartoon aussi, je m'attendais pas à ce twist, mais c'est totalement cohérent. Mais est-ce que One Piece ne serait pas l'Astérix? Il y a quand même un très gros bémol. C'est que Brook n'est jamais attaché à un arbre. C'est vrai. On le laisse chanter. Brook s'est chanté. Mais Sanji s'est déjà retrouvé, ligoté pour, ne pas embêter les filles. Effectivement. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il prend une base, prenons Water Seven, c'est Venise, mais il se dit, En fait, il va se donner aucune limite d'imagination. Il va prendre un cadre strict, donc Venise, et il dit, bah alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, s'il y avait des trains qui roulent sur l'eau. Quand il va faire la mangrove, il se dit, mais s'il y avait des bulles qui permettaient de voler, de faire des deltaplanes, de faire des petits vélos à bulles et tout. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ça qu'on reconnaît les grands auteurs qui créent des, ce qu'on appelle des œuvres mondes, comme Tolkien, comme Rowling le fait à un moment. C'est ils vont prendre de notre réel pour agrandir l'imaginaire. Et c'est la grande, grande force de One Piece. Jusqu'à l'heure actuelle, en fait. J'aime beau avoir mis des bémols sur le dessin. Il a une imagination. J'oublierai jamais, Cédric. Eh ben oui, mais il faut bien des grognons de temps en temps. Mais il a quand même une imagination foisonnante, débordante, que personne ne peut lui enlever. Et même avec encore l'arc de Wa, on voit des trucs, on se dit, ouais, mais j'aurais jamais pensé imaginer même ce genre de choses, alors que l'imagerie du Japon nous est plus ou moins familière. Et qu'on sort de l'île de Tugato avec l'incroyable Big Mom. Je ne peux que confirmer ce que dit Cédric, puisque tout le monde parle justement de son personnage préféré qui... Mon personnage préféré, pour ma part, c'est, tout le monde l'a oublié, c'est Kalu, qui apparaît au tout début. Parce qu'en fait, quand je l'ai découvert, je me suis dit, ok, donc, là, j'ai un canard géant. Avec un bonnet péruvien et une espèce de tonnelet façon Saint-Bernard. À partir du moment où il y a un personnage comme ça qui apparaît dans le manga et qui a une importance cruciale pour l'arc en question, ça veut dire que tout est possible et je peux toujours, toujours être surpris dans One Piece. Et 100 tomes plus tard, Oda me surprend toujours et encore. Donc c'est pour ça que effectivement, autant Astérix, il y a quand même des gimmicks qui vont retrouver, ce qui fait qu'on est toujours en terrain un peu connu dans un Astérix quoi qu'il arrive. Bah, c'est une satire. Il y a ça qu'on n'aura pas dans One Piece, puisque dans One Piece, il y a toujours un moment où Oda va nous propulser hors de notre zone de confort en faisant « Eh ouais, bah tu croyais tout connaître de mon manga, tac, je te ramène ça et pourtant ça marche, ça tient dans l'ensemble. » Et ça qui est très très fort. Eh bien, c'est malheureusement la fin de cette émission consacrée au manga One Piece. Alors, j'inviterai bien les auditeurs à découvrir, mais à mon avis, vu les chiffres et tout ça, ça fait longtemps que vous connaissez One Piece. Mais si jamais vous regardiez ça de loin ou vous voyez vos enfants lire un tome, n'hésitez pas, même en tant qu'adulte, à vous plonger dedans. Vous n'êtes pas obligé d'enfiler 100 tomes d'un coup, mais voilà, par petit arc scénaristique et tout ça, c'est un plaisir, c'est une aventure. Et en plus, c'est une épopée que l'on a la chance de voir se construire sous nos yeux. L'auteur est encore vivant et vraiment, vous comprendrez pourquoi ce manga est le manga le plus vendu au monde. Parce que voilà, c'est une aventure incroyable qui rend meilleur et qui fait du bien. Merci à vous, Jérémy Tourza, Cédric Despapes, Mathieu Pinon, Benoît Huot. Ce blockbuster a été réalisé par ma nakama à moi, Céline Hila. Elle a été préparée par mon autre compagnon qui lui aussi fait de la musique. Des fois, on voudrait le faire taire, mais il est tellement charmant. Cyril Marchand. Et aujourd'hui, à la technique, on vient d'accueillir dans notre équipage Maxime Goudard. Bienvenue Maxime. Vous pouvez nous laisser un message. Oui, vous pouvez nous laisser un message au répondeur. C'est important de laisser des messages au répondeur au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag blockbuster EFI. Sabono Kento. La fille. Omae mitena. Je ne peux pas parler suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Aishite kurete. Du fond du cœur. Arigato. Je vous remercie. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.